Chapitre 35. Système Elfrona. Belle n'arrivait pas à en croire ses yeux. Une trappe dans la coque du vaisseau des Nihils s'était ouverte et une petite silhouette avait été poussée à l'extérieur. Juste jetée. Comme ça. Il étouffa un cri de surprise. Loden, dans le fauteuil du pilote devant lui, fit aussitôt plonger le Vector en un piqué vertigineux. « Padawan, tu vas sauver cet enfant. Moi, je vais continuer pour aller secourir les autres. Ne crains rien. Je suis extrêmement fier d'avoir été ton professeur. Je crois en toi. » Le cockpit du Vector se souleva et le vent se mit à siffler tout autour d'eux, si bruyant qu'il n'était plus possible de communiquer. Mais qui avait-il à ajouter ? Belle déboucla son harnais de sécurité et bondit à l'extérieur. La gravité se saisit aussitôt de lui et il chuta en tourbillonnant. Cela importait peu. Il se trouvait à des kilomètres de la surface d'Elfrona, ce qui signifiait qu'il avait un peu de temps devant lui. Mais pas trop non plus s'il voulait sauver la petite fille, car il était certain qu'il s'agissait d'elle. Une enfant qui avait été jetée comme un vulgaire déchet par les Nihils. Il fallait qu'il se concentre. Il cessa de prêter attention au Vector de Loden qui fusait vers les hauteurs pour poursuivre la chasse aux côtés du vaisseau d'Indira, arrêta de penser au sol, au ciel, à tout sauf à la force, et se mit à la fouiller en quête d'un petit point de lumière, les émotions d'une enfant perdue qui avait besoin d'être sauvée. Là ! Belle parvenait difficilement à garder les yeux ouverts à cause de la violence du vent. Il regretta de ne pas porter de lunettes de protection, mais honnêtement, il n'en avait pas besoin, ni même de ses yeux en réalité. Il avait la force. Il serra ses jambes l'une contre l'autre et ses bras le long de son corps, puis s'inclina vers le bas et se sentit comme projeté en avant grâce à l'aérodynamisme de sa nouvelle position. Belle puisa dans la force, lui demanda de le pousser encore plus vite. La petite fille battait des bras et cela créait certainement de la résistance à l'air, mais ils ne tarderaient pas à atteindre tous deux la vitesse terminale, et le Jedi serait alors dans l'impossibilité de la rattraper. Ces quelques secondes de chute avant que Belle ne saute du Vector avaient indubitablement donné à l'enfant une avance significative. Mais la force répondit à son appel, et peut-être aussi que la texture lisse de sa tenue en cuir de Jedi aidait un peu. Toujours était-il qu'il gagnait du terrain. La terreur de la petite Blight se profilait à l'horizon de ses sens, grandissait peu à peu, la peur prenant le pas sur tout. Il l'ignora. Lorsqu'il fut assez proche, il se servit de la force pour attirer la petite fille vers lui et l'enveloppa de ses bras. Elle se débattit, évidemment qu'il ne l'aurait pas fait. Il tira sur un pan de sa tunique pour en couvrir leur tête, juste assez pour bloquer le vent, puis regarda l'enfant. Il ne se rappelait pas avoir déjà vu quelqu'un d'aussi effrayé de toute sa vie. Belle montra l'emblème Jedi sur sa poitrine. Par miracle, la fillette se calma. Elle avait compris qui il était et s'estimait déjà sauvée. « Pas encore », songea-t-il. Il l'attira près de lui, plaça une main en coupe autour de son oreille et lui parla. « Ferme les yeux. Je suis avec toi maintenant. Tu n'es pas seul. » Il ignorait si elle l'avait entendu, mais il avait fait ce qu'il pouvait pour la calmer. Maintenant, il fallait qu'il se concentre. Belle regarda vers le bas, paupières plissées face au vent. Il cherchait un endroit approprié. De l'eau peut-être, voire une pente douce le long de laquelle il pourrait rouler, à même de faciliter leur atterrissage. Il n'y avait rien. Rien que le paysage désolé de la planète. Les volutes des chaînes de montagnes magnétiques et entre elles, les plaines couleur rouille. Elfrona n'était pas une planète très douce. Il tombait d'une hauteur 100 fois plus élevée que tout ce qu'il avait essayé jusqu'à présent, et même dans ces conditions, il n'avait jamais réussi à atterrir seul. L'espace d'un instant, il se mit à espérer contre tout espoir que Porter Engel se pointerait miraculeusement au dernier moment. Mais l'Icruquien était loin d'ici à présent, et de toute façon, il avait déjà une Blight à sauver. Non. Personne n'allait venir les sauver, que ce soit lui ou la fille. Il allait devoir s'en charger, et s'en charger seul. Belle s'ouvrit à la force. Il ne pensa pas au sol, mais à l'enfant dans ses bras, et à quel point il était injuste que toutes ces choses lui soient arrivées. Il savait qu'il avait le pouvoir de la sauver, de faire en sorte qu'elle continue de vivre dans la lumière. Pourquoi la force cosmique lui aurait donné tous ses pouvoirs si ce n'était dans ce but précis? Le vent n'était pas son ennemi, ni la gravité en elle-même. Tous deux faisaient partie de la force au même titre que lui et la fillette. En luttant contre eux, il risquait de lutter contre lui-même. Il valait mieux qu'il n'essaie pas de lutter du tout. Il valait mieux qu'il essaie de comprendre. Belzétifar se détendit. Il en vint à comprendre quelque chose de profond. Quelque chose à propos de la force, peut-être. Ou alors, quelque chose à propos de lui-même. Quelque chose qu'il essaierait de mettre au clair plus tard. Il se dit que c'était la raison pour laquelle il avait été incapable jusqu'à présent de se sauver de ses chutes, malgré tous les efforts de son maître. Être un Jedi, ce n'était pas se sauver soi-même. C'était sauver les autres. Le rugissement du vent diminua aux oreilles de Belle, jusqu'à ne plus être qu'une puissante brise. Il se mit à entendre la petite Blight. Elle priait ou psalmodiait quelque chose. Il ne pouvait comprendre les mots, mais c'était la même phrase qu'elle répétait en boucle. Le vent se calma encore jusqu'à se faire silencieux. Belle ouvrit les yeux. Il n'était plus qu'à 10 mètres environ de la surface, et il dérivait vers le sol aussi lentement qu'une feuille morte, jusqu'à ce qu'il se pose en douceur sur la terre couleur ardoise. Il pouvait comprendre ce que disait la petite fille à présent. « Je ne suis pas seul. » Il se redressa en position assise, la petite était agrippée à lui. « Tout va bien maintenant. Comment t'appelles-tu ? » Elle le regarda les yeux écarquillés. « Je m'appelle Bi, mais c'est juste un surnom qu'on me donne. Mon vrai prénom, c'est Bellen. Il ressemble un peu au mien. Moi, c'est Belle. Nous ne risquons plus rien maintenant, Bellen. Tout va bien se passer. » La petite fille lui décocha un regard dubitatif, celui d'une enfant qui savait qu'un adulte était en train de lui dire quelque chose de faux, quand bien même elle avait très envie d'y croire. Son visage se décomposa et elle éclata en sanglots. Belle se contenta de la serrer contre lui. Il leva les yeux vers le ciel à la recherche des Vectors ou du vaisseau d'Enil. Rien. Pas même une traînée laissée dans le ciel. « Tout va bien se passer », pensa-t-il. Il n'y croyait pas tellement lui non plus.